boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Les petits enfants du rock de Pop and Rock fêtent leur 200e anniversaire. 200 émissions, plus de 1700 titres écoutés depuis le tout début de notre Pop and Rock. Vous êtes bien calés sur RVR, la très locale radio au 104.6. be happy. He must be happy in his world. Pop and Rock, c'est pas simplement qu'une heure d'écoute ici sur RVR, c'est également la gestation, plus de deux heures de travail. On gratte, on cherche pour trouver les titres qui peut-être vous feront danser comme... rappelez-vous. Yeah. Et les artistes qui nous rejoignent dans Pop and Rock sont bien souvent, comment dire, désuets, disparus, rip. En tout cas, nous, on s'en fout, les modes, on ne les écoute pas, on vous propose le meilleur du rock, que ce soit des années 80 ou des années 2020. Dans Pop and Rock, grâce à notre RVR, on peut faire un peu ce qu'on veut, pas besoin de complaire aux bien-pensants. On peut même vous balancer comme ça, sans vous prévenir, plus de 4 minutes d'un instrumental virulent. des groupes grand-bretons au plus profond de la France du rock, en passant bien évidemment par la Belgique ou encore la Suisse du rock. Bien évidemment, la Grande-Bretagne reste notre maître étalon, quoique les États-Unis ne restent pas bien loin, surtout quand un de leurs groupes s'inspire pour son nom de la Britpop des années 90. Mais la liberté peut-être que je préfère grâce à RVR, c'est de pouvoir passer du coq à l'âne. Les grands écarts musicaux, comme passer de Manchester Orchestra à la Mano Negra. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. Say Mais le plus beau peut-être dans Pop and Rock, les petits enfants du rock sur le 104.6 de RVR, c'est peut-être d'être complètement libre et de s'offrir un rock dans un monde plus que libre. Ouais, je rêve. Sleeping in their shoes. vous écoutez bien Pop and Rock depuis quelques temps, vous savez certainement que le rock français n'est pas mort, bien au contraire. Même si moult des groupes que nous écoutons parfois dans Pop and Rock ont disparu, il en reste encore quelques-uns en vie. Mais peu importe, allez, petite page francophone en tout cas, les groupes sont français, mais ils chantent en anglais. Mais pour découvrir ces groupes français, il n'y a pas que mes recherches internetiennes, il y a également mes soirées passées au Mardi du Grand Marais. Pop'n'Rock a été également pour moi l'occasion de, comment dire, d'échanger avec tous ces artistes nombreux et riches qui nous permettent de vivre avec un petit peu plus de plaisir cette longue vie qui n'est certainement plus un long fleuve tranquille. Pour aller plus loin, j'ai même eu la chance de rencontrer Raskolnikov. Car Pop'n'Rock fête son 200e anniversaire. Distance. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Et ouais, dans Pop and Rock, on aime donc la force sombre de R.E.M., mais on aime également la légèreté de la pop rock des Prefab Sprout. Distance sea, blast. comme dans toute bonne émission de rock qui se respecte, on adore les artistes maudits. J'aurais donc pu choisir le Anton Newcombe avec son Brian Johnston Massacre, mais ce soir, je romps la tradition et je vais vers leurs cousins, les Dandy Warhols. Mais attention, l'émission n'est pas encore finie. Notre 200e numéro de Pop and Rock, les petits-enfants du rock, ne pouvait pas se terminer sans un bon vieux Bob Mould. Je dis bon vieux parce que voilà quelques années qu'il hante les scènes rock. Nirvana notamment lui doit, je crois, pas mal de choses. On se quitte donc avec Forecast of Rain. Je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bis à tous.